بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 49 49e leçon. Toujours dans le chapitre de ce qui touche à l'akhira, ce qui passera dans l'au-delà. الإيمان باليوم الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى في السؤال 95 295e question. ما هي أعظم فتنة إلى قيام الساعة؟ Quelle est la plus grande épreuve, la plus grande fitna qui aura lieu si ce que lève l'heure arrive? قال فتنة الدجال. C'est la fitna du Dajjal qu'on appelle El Masih El Dajjal. El Masih, c'est un mot qui lui a été attribué, qui lui a accordé. Certains disent parce qu'il parcourt la terre, Yamsah fil ard, et d'autres qui disent parce que son œil, il est borgne, donc Masih, c'est-à-dire qu'il a un œil qui est effacé. وغير ذلك من المعاني. قال ودليل حديث هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال رواه أحمد وغيره. Donc il a dit صلى الله عليه وسلم qu'il n'y a pas de plus grande depuis la création d'Adam عليه السلام de plus grande épreuve, c'est-à-dire pour les gens, que celle du Dajjal, qui sera une épreuve immense pour la communauté ainsi que pour les koufars. Et il est dit que la plupart des gens qui le suivront seront les juifs ainsi que les femmes. Les juifs ainsi que les femmes. ثم قال في السؤال 296e question. ماذا كتب أو ماذا كتب بين عيني الدجال؟ Qu'est-ce qu'il a écrit entre les deux yeux du Dajjal? قال مكتوب كافر. Il écrit « kafir » et pas comme des gens s'imaginent en français mécréant. Ils ont écrit « kafir » en arabe. Comme dans le hadith de Anas ibn Malik, « Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Ma min nabiyin illa qad, anzara ummatahu al-a'war al-kazzab, illa anaw a'war, wa inna rabbakum lisa bi-a'war, wa maktum bayna aynay, kaf, fa, ra. » Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait averti sa communauté justement de la fitna de cet homme, du Masih Dajjal. Et il dit, et qu'il est borgne, et que votre Seigneur n'est pas borgne, et qu'il écrit entre ses deux yeux, kaf, fa, et ra, qui revient à dire kufr. Et le hadith est mutafakun alayhi. Et le Masih Dajjal, il existe déjà. Il est déjà présent, comme cela vient dans un hadith, que certains des sahaba l'ont rencontré sur une île perdue. Et des ulama comme Cheikh Othaymine voient que ce hadith-là est à revoir. Quoi qu'il en soit, le hadith un muslim thabit. Le hadith, il est rapporté par un muslim, il est authentique. Et qu'ils l'ont enchaîné pour l'instant sur une île déserte. L'heure n'est pas encore venue pour qu'il sorte et sa sortie sera parmi les signes majeurs de l'heure. ثم قال في السؤال السابع وتسعين بعد المئتين 297e question. ما هي البلاد التي لا يستطيع الدجال دخولها؟ Quels sont les lieux que le Dajjal ne peut rentrer, dans lesquels il ne peut rentrer? Il s'agit de Mecca et de Al-Medina. Mecca et Al-Medina, les deux lieux, Al-Haraman, les deux lieux sacrés, le Dajjal n'y aura pas accès. والدليل, c'est le hadith de Anas ibn Malik, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيتأوه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صفين تخلصها فينزل بالصبخة وبالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات ويخرج إليه منها كل كافر ومنافق. Donc il a dit, il n'y a aucun endroit sans que le Messie Dajjal y entrera, hormis Mecca et le Medina. Et il y a à leur porte des anges qui la protègent, qui les protègent, qui l'empêcheront de rentrer. Donc il viendra par Sipra. Sipra, c'est une forme de. C'est un lieu aride qui se trouve près d'El Medina, apparemment. C'est le nom d'un lieu. Mais il ne pourra entrer El Medina. Et ensuite, il y aura trois secousses, trois séismes qui auront lieu à El Medina et qui causeront la sortie de tous les mécréants et munafiques qui s'y trouveront. Et ils rejoindront le Mercier Dajjal, bien évidemment. Mais lui ne pourra rentrer. إلى حديث متفق عليه. ثم قال في سؤال 98 بعد 200: كيف تكون سرعة الدجال؟ À quelle vitesse est-ce qu'il se déplace؟ Qu'elle ira très très vite. قال في حديث النواس بن سمعان الطويل في وصف الدجال وفيه وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح أراه مسلم. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم fut interrogé par rapport au Dajjal et qu'il dit que sa vitesse sera celle de la pluie qui est poussée par le vent. La pluie poussée par le vent. Yani, c'est comme ça que j'ai compris. Istadbaratu arih. Wakada nam. Ou la pluie suivie du vent. Possible également. Thumma qala fi su'al at-tasi'atisin ba'd al-mi'atayn. 299e question. Man huwa alladhi yaqtulu ad-dajjal? Qui sera celui qui le tuera? Qala المسيح الدجال سي عيسى بن مريم كي لو تورا كما دو الحديث دو نواس بن سمعان كذلك دو الميم ريفيرونس il dit فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله que Isa va le poursuivre jusqu'à ce qu'il le rattrape et de là il le tuera et tuera le Messie Dajjal. Le Messie Dajjal aura des choses prodigieuses qui mettront les gens dans l'erreur. Et il viendra avec un feu et de l'eau. Celui qui entrera dans l'eau, en réalité, se retrouvera dans le feu. Et celui qui entrera dans le feu, en réalité, se retrouvera dans l'eau. Et il tuera un homme qui sera le plus grand des shohada, qui ne croira pas en lui. El Messie Dajjal le tuera, puis coupera son corps en deux et marchera entre les deux parties de son corps. Puis il lui rendra la vie. Et lui dira, ne crois-tu pas en moi ? Il lui dira, j'ai encore plus la certitude que tu es le Dajjal, après que tu fais ce que tu as fait. Et cet homme-là qui a été tué par le Dajjal, c'est le plus grand des shohada, le plus grand des martyrs. Et il sera tué par Isa ibn Maryam. Thumma qala fi su'al 300e question. Hal Ya'juj wa Ma'juj min walad Adam? Donc maintenant il dit, est-ce que Ya'juj et Ma'juj sont nés parmi des humains? Est-ce qu'ils sont les fils de Adam, qu'ils appellent Gog et Magog chez les chrétiens? Donc la Na'am, ils font partie des êtres humains. Comme dans le hadith de Abi Saïd al-Khudri, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam apporta que Allah Azza wa Jal dit à Adam, Ya Adam, akhrij ba'af al nar min zuriyatik. Il lui a dit, sors le ba'af des gens du feu. Parmi ta descendance. Et Adam demandera, et qui sont-ils? Il dira que tu sors de chaque homme il y en a un sur mille. Et qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les gens du feu sont les gens qui sortiront du feu, du moins les gens qui rentreront au paradis sont 1 sur 1000 en tout. Et ensuite, les sahaba prirent peur en entendant cela. Ils se dirent, mais qui sommes-nous par rapport à ce nombre? Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, leur a dit que Ya'juj et Ma'juj sont 99 et vous représentez un homme par rapport à vous. Pour dire qu'ils sont très très très nombreux. Et quoi qu'il en soit, ils sont des fils de Adam. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des djinns. Adam al-Shahib ibn al-Hadith. يقول من هو الذي في سؤال الواحد وثلاثمية 300e question من هو الذي بنى الصد على يأجوج وماجوج qui est celui qui aura construit le barrage pour empêcher يأجوج وماجوج de sortir. Il s'agit de ذو القرنين comme cela est cité dans سورة الكهف. قال تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فلنجعله لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Lorsqu'ils ont dit يا ذا القرنين, certes que Ya'juj et Ma'juj sommes la corruption sur terre. Est-il possible de mettre une barrière entre nous et eux? Surat al-Kahf, verset 94. Et là, ils sont fermés jusqu'à présent dans cette prison. D'accord? Et ils grattent chaque jour. Et le trou s'agrandit au fur et à mesure. Maintenant, où sont-ils sur terre? On ne sait pas. Car des gens de Dieu se disent. Des gens qui font passer leur raison, on appelle les aqlaniyoun, les rationalistes, font passer leur raison sur le texte, ils disent, une si grande communauté, on l'aurait forcément découverte. Et comme dit Cheikh Al-Fawzan, il y a des lieux sur terre que nous ne connaissons pas, que l'être humain ne s'imagine pas avoir tout découvert. Et il se peut qu'Allah te les cache, tu ne t'en rends pas compte. Et il y a une erreur de l'imam Sa'adi, qui lui dit que ce sont les Chinois. Ya'juj et Ma'juj sont les Chinois, et en réalité, ce qu'Allah, d'accord, n'est pas authentique. Ils sont un peuple extrêmement nombreux, toujours enfermés dans leur prison, et finiront par sortir. Qala, as-su'al, as-thani, wa ba'd salathmiya, 302e question, hal ya'juj et Ma'juj, kathir, est-ce qu'ils sont nombreux? On dit na'am, ils remplissent la terre entière. Et on a expliqué qu'ils sont, ils représentent combien? Ils sont, ils représentent sur 1000 hommes, 999 parmi les compagnons. Donc ils sont extrêmement nombreux. À tel point que lorsqu'ils déballeront, les premiers d'entre eux viendront en un lieu dans lequel se trouvera un grand lac. Ils y boiront. Et les derniers viendront, ne trouveront plus rien. Et diront, il y avait un lac à cet endroit-là. La terre sera devenue, ce lac disparaîtra tant ils sont nombreux. ثم قال في سؤال الثالث وثلاثمية 303 question كيف يهلكون؟ Comment périront-ils؟ قال toujours dans le hadith de Nawas ibn Sam'an فيرسل الله عليهم النغف في أركابهم فيصبحون فرسا كالموت في نفس واحدة رواه مسلم. Que Allah Azza wa Jal enverra ce qu'on appelle un ver de naf. Naf, c'est un ver que l'on trouve dans le nez des chameaux. Et ce ver-là est mortel, et qu'Allah Azza wa Jal enverra ce ver dans leur nuque, et qu'ils mourront ils mourront soudainement tous ensemble, comme un seul homme. Ils tomberont tous ensemble comme un seul homme. Après qu'ils aient semé le désordre sur terre, qu'ils aient tué, et ainsi de suite, Allah Azza wa Jal enverra ce doud pour dire qu'Allah Azza wa Jal que nous ne connaît les troupes de son Seigneur, ce n'est que lui, que Allah peut envoyer ce qu'il veut comme troupes. Ça peut être des vers, ça peut être des moustiques, ça peut être des mouches, ça peut être des microbes, ça peut être des anges. Allah fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. Donc même les plus grands des Jabbarin peuvent être détruits par les plus petites créatures, si Allah Azza wa Jal le décide. Na'am. Halazi yaqadna al-yom. Falhamdulillah.